demandé hier encore si notre amour serait le plus fort, si sa flamme me verrait l'aurore et survivrait même à nos morts. Je me demandais hier encore si notre amour avait encore un avenir, ou s'il était mort, s'il fallait enterrer son corps. Je me demandais hier encore qu'avons-nous fait de ce trésor si rare, si précieux et si fort. Faut-il lui dire adieu sa mort? Je me demandais hier encore s'il fallait partager nos torts, ou si c'était un coup du sort qui avait mis notre amour à mort. Je me demandais hier encore s'il fallait passer au remords, ou si dans un ultime effort nous pouvions te sauver encore. Je me demandais hier encore qu'avons-nous fait de ce trésor si rare, si précieux et si fort. Faut-il lui dire adieu sa mort? Et tu es là, là, devant moi, et j'en pleure comme la première fois. Pourtant c'est pas vrai, j'y crois pas, tu peux pas être là devant moi. Il fait si chaud dans ce désert, juste un mirage à foutre en l'air. Il fait si chaud dans ce désert, j'ai la rage, je vais tout foutre en l'air. Il fait si chaud dans ce désert, juste un mirage à foutre en l'air. Il fait si chaud dans ce désert, j'ai la rage, je vais tout foutre en l'air. Amour serait le plus fort, si sa flamme me verrait l'aurore et survivrait même à nos morts. Je me demandais hier encore si notre amour avait encore un avenir, ou s'il était mort, s'il fallait enterrer son corps. Je me demandais hier encore qu'avons-nous fait de ce trésor si rare, si précieux et si fort. Faut-il lui dire adieu sa mort?